Victor Hugo, à Guernesey, 7. Parfois, je me sens pris d'horreur pour cette terre. Mon ver semble la bouche ouverte d'un cratère. J'ai le farouché moi que donne l'ouragan monstrueux au grand arbre. Mon cœur prend feu. Je sens tout ce que j'ai de marbre devenir lave en moi. Quoi, rien de vrai. Le scribe a pour appui le reître. Toutes les robes, juges et vierges, femmes et prêtres, mentent ou mentiront. Le dogme boit du sang. L'autel bénit le crime. Toutes les vérités, groupes tristes et sublimes, ont la rougeur au front. La sinistre lueur des rois est sur nos têtes. Le temple est plein d'enfer. La clarté de nos fêtes obscurcit le ciel bleu. L'âme a le penchement d'un navire qui sombre. Et les religions, à tâtons, ont dans l'ombre pris le démon pour Dieu. Oh, qui me donnera des paroles terribles? Oh, je déchirerai ces chartes et ces bibles, ces codes, ces corans. Je pousserai le cri profond des catastrophes et je vous saisirai, sophistes, dans mes strophes, dans mes ongles tyrans. Ainsi, frémissant, pâle, indigné, je bouillonne. On ne sait quel essaim d'aigle noir tourbillonne dans mon ciel embrasé. Deuil, guerre, une ménie dans mon âme est éclose. Quoi, le mal est partout. Je regarde une rose et je suis apaisée.